faire une petite kalima sur une chose importante que les savants ils ramènent à plusieurs reprises. Comme l'a ramené Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son deuxième cours sur Nawaqid al-Islam, sur les actes annulatoires de l'islam. Car aujourd'hui, malheureusement, beaucoup min al-muslimin ont mis la religion au second plan. Et c'est leur amour pour la dunya qui a pris le premier rôle. Et chacun peut être touché par cela. Nasallallahu al-afwa wa al-afiyah wa salama wa li azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina fi kulli makan wa zaman. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont plus peur pour leur religion. Ou ont plus peur pour leur propre personne, pour leurs épouses, pour leurs enfants, pour leurs biens. Ils ont plus de peur pour cela que pour la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils craignent plus pour leur propre personne ou leurs biens que pour la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'islam. Mais combien d'entre eux parlent d'Allah? Jalla wa'ala. Combien d'entre eux parlent du but de la création? Du pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes vivants? Pourquoi on a été créé? Pourquoi on nous a donné la vie? Pourquoi est-ce qu'on doit mourir? Pourquoi est-ce qu'on doit adorer? Beaucoup apprennent aux musulmans comment adorer Allah. En détail. Comment prier en détail. Comment donner zakat en détail. Comment faire le jeûne de Ramadan en détail. Comment faire le pèlerinage en détail. Comment commercer, comment se marier. Toutes les adorations. Mais ils n'apprennent pas aux gens à faire connaître celui qu'ils doivent adorer. Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce souci du tawhid, ils ne l'ont pas, ou ils ne l'ont plus. Et celui qui n'a pas le souci du tawhid, il n'a pas non plus le souci du chemin qui mène au tawhid. Al-manhaj. Manhaj al-salaf. Manhaj al-rasoul. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Awalan. Wa manhaj al-sahaba. Radiallahu ta'ala anhum. Des gens qui ont donné leur vie. Des gens qui, s'ils auraient fait ce que nous faisons, les gens qui suivraient après ne seraient pas dans la religion d'Allah. Wal ma'soum an asam Allah. Parce que sahaba radiallahu ta'ala anhum et ceux qui les ont suivis ont toujours eu ce souci du tawhid, de défendre le tawhid. Et les ulama de la sunna ont toujours eu ce souci de défendre le tawhid, de défendre la religion d'Allah, de défendre la parole d'Allah. L'imam Malik, rahmatullah alayh, lorsqu'un homme est rentré dans la mosquée et qu'il lui a demandé « Kayfa ?» Comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône ?« Hadha al-kalam, al-kalam ala Allah, yas'al ala Allah azza wa jal. » Al-kayfiyya. C'est un homme qui rentre dans une des maisons d'Allah, fi baytillahi subhanahu wa ta'ala, al-masjid, et qui ose questionner sur Allah, celui qui l'a créé, celui qui lui a donné la vie, celui qui va lui donner la mort, celui qui lui a ordonné de l'adorer, celui qui lui a ordonné al-tawhid. Al-imam Malik, qui était un alim fil hadith, alim fil sunnah, alim fil tawhid, qui était un savant dans le tawhid, un savant dans le hadith, a baissé la tête, est devenu rouge de colère et de honte. Puis il a mentionné la parole que tout le monde connaît et il a fait renvoyer cet homme-là de la maison d'Allah. Wa Cheikh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, l'imam Malik a baissé la tête car il a eu honte. Il a eu honte que quelqu'un ose questionner sur Allah. Il a eu honte que quelqu'un vienne parler sur Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est l'ulama de la sunna, les savants du tawhid, qui pour eux la chose la plus chère à leur cœur, c'est la satisfaction d'Allah. La chose la plus chère à leur cœur, c'est que les musulmans restent sur tawhid, sur la ilaha illallah, le premier pilier de l'islam. Wa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Or aujourd'hui, les musulmans, même certains frères, ont perdu, et qu'Allah nous en épargne, la valeur du tawhid et la valeur de ce chemin qui mène au tawhid, Muhammad Rasulullah, al-manhaj, manhaj al-salaf, radiallahu ta'ala anhum. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, subhanallah, si quelqu'un parle sur ton épouse, tu serais le premier à te lever et à combattre cette personne. Si quelqu'un parlerait sur tes enfants, tu serais le premier à défendre tes enfants. Si quelqu'un viendrait prendre tes biens, ton argent, tu serais le premier à défendre ton argent. Si quelqu'un s'en prendrait à ta propre personne, ne serait-ce que par la parole, s'il était en train de médire en public sur toi, tu serais le premier à te déplacer, à aller le voir. Mais lorsque Ahlul Bida'a wal Hawa, des gens qui se mettent en avant, qui parlent sur Allah, qui parlent sur le prophète alayhi salatu wassalam, sans aucune science, qui jouent avec la religion d'Allah, qui jouent avec le nom d'Allah, pour différents profits, pour se faire connaître, pour zawaj, pour le mal, pour tafarruq. Lorsque tu entends ces gens-là parler sur Allah tabaraka wa ta'ala, celui que toi tu adores, celui devant qui tasjudu lahu, devant qui tu te prosternes, ça ne te fait rien. Il n'y a rien fil qalb, aucune gêne. Wal yawm, et aujourd'hui, beaucoup n'ont plus cette peur de perdre leur religion. Pour les choses de dunya, oui, là ça bouge. Mais tout ce qui est din, tout ce qui est de parler sur Allah Azza wa Jal, sur le Nabi alayhi salatu wa salam, lorsque c'est toi qui es attaqué, tu as mal au cœur, tu ne te sens pas bien, tu ne dors pas. Mais lorsqu'on te dit que le Nabi alayhi salatu wa salam, on a failli le tuer, on lui a jeté des ordures sur la tête, on l'a étranglé, on l'a insulté, il devrait y avoir plus dans ton cœur à ce moment-là que sur ta propre personne. Ou l'ulama, l'imam Ahmad ibn Hanbal, pour avoir défendu la parole d'Allah, le Coran, pour pas que les gens ils insultent la parole d'Allah. Et s'ils insultent la parole d'Allah, ils insultent Allah. Il a été torturé pour ça. Radiallahu anhu. Mais ça ne te fait rien. Cela prouve qu'il y a dans le cœur l'amour pour les choses de ce bas monde ont dépassé l'amour d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui beaucoup n'ont plus peur de perdre cette religion, où certains et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Lorsque un insulte un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam en disant qu'il a fait une bid'a, en parlant d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, là le cœur il ne bouge pas. Le cœur ne bouge pas. Et quand cette même personne est accusée par tous les savants de la sunna de prendre le chemin de l'innovation, là les cœurs ils bougent. Wallahi ajib. Quand un compagnon est accusé de faire le bid'a, les cœurs ne bougent pas. Et quand cette même personne elle est accusée de faire le bid'a, là les cœurs ils bougent. Cela vient prouver que votre amour pour cette personne-là a dépassé l'amour de ce sahabi. Et il est connu dans l'aqidatu ahl sunnah. La nafkuru ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa bil khair. Qu'on ne ramène les compagnons du prophète, lorsqu'on parle d'eux, on ne parle d'eux qu'en bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, l'un de Ahlul Bidah, lorsqu'il ment sur Allah, sur l'asma wa sifat, والكلام على الاسماء والصفات الكلام على الذات على الله Tabaraka wa ta'ala. Lorsque quelqu'un, il parle sur les noms et les attributs d'Allah, il parle sur Allah. Lorsqu'il dit des choses erronées sur l'asma wa sifat, et que cela pour lui n'est rien. Bon, je me suis trompé, khair, inchallah, on corrigera la semaine prochaine. Al-kalam ala Allah. Laysa ala fulan wa fulan wa fulan. Ala Allah azza wa jal. Subhanallah. Tu parles d'Allah, tu n'es pas en train de parler d'un tel ou un tel ou un tel. Et les gens, ils partent avec ça. Al-aqidatul fasida, al-batila, min ahli al-bid'a wal-hawa. Et ça, c'est pas grave, ça. Ma'alish. Kayfa hadha? Regarde les salaf salih, comment ils étaient avec ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous sorti dans le kutub? Charles Ibn Taymiyyah, Bilwasitiyya, Al-Asma wa Sifat. Parce qu'il n'a jamais agréé, il n'a jamais accepté que des gens parlent sur Allah sans science. Alors il a écrit Al-Wasitiyya, Al-Aqidatul Wasitiyya, afin de corriger cette croyance et que les musulmans reviennent sur ce qu'ils doivent croire sur Allah. Parce que pour eux, il n'y a pas pire que ça. Al-Imam Tahawi, Al-Aqidatul Tahawiyya, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Kitab Tawhid, Kashf al-Shubuhat, Difa' an al-Tawhid, wa al-Tahzir min al-Shirk. Inna al-Shirk la dhulmun azim. C'est la plus grande des injustices. Or, quand ce shirk il est fait, le cœur ne bouge pas. Et on croit qu'on a atteint le Tawhid. Jusqu'à ce qu'on te dise Tawhid, encore. Et n'aime encore, hatta al-Mut. Jusqu'à la mort, Tawhid. La ilaha illallah, tu vis avec et tu devras mourir avec. Kalimatu Tawhid. Le jour où il n'y a plus de Tawhid, il n'y a ni les cieux ni la terre. C'est fini. Wa Cheikh Salih al-Fawzan fi al-Darsu Thani. Qal, fa'innahu yajib ala al-Muslim an yakhaf ala dinihi akthar mimma yakhaf ala nafsihi wa ala malihi. بماذا يخاف على دينه؟ يخاف على دينه من الفتن والشبهات. من الفتن والشبهات. Cheikh Salih, hafidahullah, il dit, il est obligatoire aux musulmans d'avoir peur pour sa religion plus que d'avoir peur pour sa propre personne ou ses biens. Et de quoi va-t-il avoir peur pour sa religion? Il a peur pour sa religion des troubles et des ambiguïtés. Des troubles et de quoi? Des ambiguïtés. Comme khaf Imam al-Hunafa al-Khalil Ibrahim alayhi salatu wa salam, alladhi yad'u rabbahu tabaraka wa ta'ala, fayaqul wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Comme a eu peur l'imam, un imam dans le tawhid, qui est l'ami intime d'Allah, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a mentionné dans le dua, éloigne-moi, c'est-à-dire mets-moi en parallèle, toujours en parallèle, de manière à ce qu'on ne se croise jamais, le shirk et moi. Hein, les ulama, ils ont dit, wajdoubni, c'est-à-dire sur le côté, en parallèle, le shirk il est toujours là, et nous on est toujours là, et on ne se croise jamais. Wabaniya, moi et mes enfants, an na'bud al-asnam, d'adorer quoi? Des statues. Aujourd'hui, si on te dit taqillah, fais attention demain de ne pas adorer une statue. Chacun d'entre nous, il dirait, moi je vais adorer une statue. Chouf, hada da'f. Da'f al-tawhid. Anta min al-bashar, da'if. Un homme par une parole, il peut t'emmener dans l'égarement. Un homme par une pensée. Un homme ne serait-ce que sans parler. Juste à le regarder, tellement il va te plaire que tu feras tout ce qu'il fait. فَهَذَا الْخَلِيلِ الَّذِي كَسَّرَ الْأَصْنَامِ بِيَدِهِ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَرْتَدْ عَنِ التَّوْحِيدِ وَيَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وَيَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Al-Khalil, L'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salat wa sallam, celui qui a cassé les statues par sa propre main, a eu peur pour lui. De quoi ? De mécroire en tawhid. De mécroire en quoi ? En la ilaha illallah. Wa huwa rasulullah. Kayfa ana wa anta ? Qu'est-ce qu'il en est de nous aujourd'hui ? Il est l'ami intime d'Allah. Il est rentré dans le feu ne l'a même pas brûlé. Il l'a vu de ses propres yeux, ça. Il a l'yaqin. Allah Azzawajal lui a montré comment on fait vivre après la mort. Les ziyadat et les yaqin. Puisqu'ici, Ibrahim, il a demandé à ce que son yaqin, sa certitude, elles soient encore augmentées. Il a eu peur de mécroire au tawhid. Voilà pourquoi il fait cette dua. Avec tout l'ilm qu'il a, avec toute la connaissance qu'il a sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a eu peur d'adorer, quoi ? Des statues. Pourquoi est-ce qu'il aurait eu peur de cela ? Parce que les mouchriquins qui ont adoré les statues, نوعون من البشر وعندهم عقول ويدرك. Parce qu'il a vu des gens comme lui, des êtres humains comme lui, des gens qui ont la raison comme lui, adorer des statues. Les gens de sa propre race adoraient des statues. Alors il s'est dit, si eux ils le font, je ne suis pas à l'abri de faire comme eux. Ainsi il a peur. خاف على نفسه فدعا ربه تبارك وتعالى أن يثبته على دين التوحيد. Et ainsi il demanda à Allah de le raffermir sur la religion du tawhid et que son cœur ne soit pas tourné. Que son cœur ne soit pas tourné. فإنه بشر مثلهم والبشر. Car il est une créature comme eux. Et il sait qu'il n'est pas à l'abri de quoi ? Al-fitna. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا يخاف على نفسه فيدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخاف على نفسك. Chouf, subhanallah. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le plus complet des gens dans la foi, le plus complet des gens, akmaluhum tawhidan, a'lamu minan nas fi tawhid, le plus savant des gens sur tawhid, yakhafu ala nafsihi, il a eu peur pour lui, pour sa propre personne. Et il disait, toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur à la dinik, يعني على الكتاب والسنة على الإسلام على التوحيد. Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle lui a dit? تخاف على نفسك. Tu as peur pour toi? Aïcha, elle dit au prophète Sassam, tu as peur pour toi. وفي الحديث أخرجه وصححه الألباني رحمة الله عليه عن عائشة قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يعني عائشة يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال إن قلب الأدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاه أزاغهم وإذا شاه أقامه. وفي رواية تخاف على نفسك. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle lui a dit, tu ne cesses de faire cette dua, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Et elle dit qu'il le faisait souvent. Et elle lui dit, au messager d'Allah, tout le temps tu fais cette dua, cette invocation. Il lui a dit, le cœur du fils d'Adam est entre les doigts d'Allah. Entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. S'il veut, il les tourne. Et s'il veut, il les met dans la droiture. Al-Khalilan, les deux meilleurs prophètes préférés d'Allah. Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux-là ont peur de quoi? De perdre leur religion. De perdre la ilaha illallah. alors que c'est eux qui montrent aux gens comment accéder à la ilaha illallah. Kayfa ana wa ant. Thumma qala falyakhaf al-muslim ala dinihi wa ala nafsihi min shar ad-du'at as-su' wa min shubuhat wal-fitan fitnat ash-shahwa wa fitnat ash-shubha falyakhaf min kulli dhalik. فإذا خاف فإنه يأخذ بأسباب السلامة. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Saleh Al-Fawzan? Ainsi, le musulman a peur pour sa religion. Il a peur pour lui-même du mal de ces gens qui appellent au mal, en ramenant quoi? Des ambiguïtés et des troubles. Le trouble de la passion et le trouble de l'ambiguïté. Ainsi, il a peur de tout cela. Et s'il a peur de cela, alors il s'attache à quoi? Bi asbab as-salama. Il s'accroche aux causes qui vont lui permettre d'être sauvegardé de cette perte. Fal khawf la yakfi. Fala bud an yakuna ma'a al-khawf 'amalun. Il ne s'agit pas de dire non mais moi, akhi taqillah, tu ne dis pas des choses comme ça. Moi, la chose que j'aime le plus c'est Allah. Celui que j'aime le plus c'est Allah. Celui que j'aime le plus c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wallahi, j'ai peur de perdre ma religion. هذا لا يكفي يا اخي. أين العمل؟ أين العمل؟ T'apprends ton dîn, t'apprends le tawhid, t'apprends comment te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu fais autant de sacrifices pour obtenir la satisfaction d'Allah, ou plutôt tu préfères la satisfaction des gens? Acquérir la satisfaction des gens tout en étant dans la colère d'Allah. كما قال الاثار هذا ضعف اليقين. كما في كتاب التوحيد هذا الأثر موجود في كتاب التوحيد ومعنى الصحيح ها في partie de la faiblesse de le yakin de la certitude que d'obtenir la satisfaction des gens dans la colère d'Allah. Ainsi il dit, la peur ne suffit pas, mais il faut qu'avec cette peur on trouve l'action. Et comment veux-tu avoir peur de ces shubuhat, avoir peur de ces fitan, avoir peur du shirk, avoir peur de la bid'a, si tu n'apprends même pas ce qu'est le shirk et ce qu'est la bid'a? Kayf? Comment veux-tu avoir peur d'une chose que tu ne connais même pas? Bien sûr, ils le disent, les gens. Mais aïna l'amal? Aïna l'amal? Allez t'asseoir chez des gens chez qui tu risques de perdre ton tawhid. Allez t'asseoir chez des gens chez qui tu risques de perdre la sunna. Ça ne te fait pas peur. Et après, tu dis, j'ai peur. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Il ne s'agit pas de dire أنا أحب الله. Celui qui aime Allah يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Si vous aimez Allah, suivez-moi. ماذا تتبع؟ منهج الرسول. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بمنهجي. إذا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالجوارح فقط؟ لا. بالجوارح وبالعمل وبالقول وبالاعتقاد على منهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة. Si vous aimez Allah, suivez le Nabi صلى الله عليه وسلم et celui de ses compagnons. منهج السلف. والله المفتدع كذاب إذا يقول أنا أحب الله. وهذا ليس بكلامي, كلام الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. قال كذاب حتى وله يقول هذه الكلمة بلسانه. Même s'il dit cette parole de sa langue, c'est un menteur, car ses actions ne le prouvent pas. ابتدع في دين الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et Allah vous aimera. Mais c'est une condition. Pour qu'Allah t'aime, il faut quoi? Que tu suives. Que tu suives. النبي عليه الصلاة والسلام. Or, le Nabi عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه الشرك. Il a eu peur de perdre son tawhid. Il a eu peur du shirk. il a eu peur que son cœur il change, il tourne. Wa huwa Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et encore pire, aujourd'hui, se servir de la parole du prophète alayhi salatu wassalam pour éloigner les gens du tawhid. A'udhu billah. Ittaqillah fi nafsik. علينا وعليكم باتباع منهج السلف منهج النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد والسنة وإن رفضك الناس كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإن رفضك الناس même si les gens te laissent même si tu es contre courant tout le monde est contre toi أنت على الكتاب والسنة الثبات على دين الله عز وجل وأن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقارب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هذا هو يعني أين العمل ولهذا قال الشيخ صالح الفوزان في كلامه ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف celui qui est plus savant sur Allah alors celui-ci aura plus peur d'Allah إنما يخشى الله من عباده العلماء et ils attaquent العلماء Cheikh Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, ils vont tous tomber, vous verrez. Allez-y, ça fait 20 ans qu'on attend. Hum yaquluna Cheikh Salah Al-Fawzan, Luhaydan, Cheikh Rabi', Cheikh Abdullah Al-Bukhari, Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Oubel Jabiri, Cheikh. Ils vont tous tomber. Wallahi, vous tomberez avant. S'il n'y a pas eux, il y a qui ? Il reste qui ? C'est les plus grands, le kibar. Kibar ulama. Ils ramènent le chèque fi quloub al-muslimin. والتفرق بين الأمة والعلماء غمن كوب cette scission il faut une scission entre العلماء et la communauté pour que cette communauté elle revienne vers qui vers eux الجهال celui qui va t'appeler à tout sauf التوحيد والله والله والله une دعوة qui commence pas par التوحيد هذه دعوة باطلة قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالتوحيد في دعوتك une دعوة qui commence pas par التوحيد par Allah c'est une دعوة qui est fausse erronée mets-la de côté tout de suite parce qu'Allah il a dit à son prophète عليه الصلاة والسلام dit voici mon chemin j'appelle à Allah يعني j'appelle عبادة الله وحده لا شريك له يعني جابل لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله c'est la première chose qu'Allah t'a demandé d'apprendre فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني apprendre التوحيد moi على بصيرة على علم avec science moi et ceux qui me suivent et ceux qui me suivent ça veut dire celui qui appelle pas le التوحيد il suit pas le Nabi عليه الصلاة والسلام celui qui appelle le التوحيد mais sans science il suit pas le Nabi عليه الصلاة والسلام C'est quand tu leur dis craignez Allah et appelez au tawhid. Là, ils disent effectivement, j'avais l'intention d'appeler au tawhid, je vais commencer. Et là, ils commencent. Mais tu as envie de leur dire arrêtez de parler de tawhid. Parce que la manière qu'ils parlent du tawhid, fasida, batila, biduni ilm, biduni basira, bi'uqulihim, wa afkarihim. Ils n'en parlent que par passion. Ou pour dire aux gens, vous voyez, j'appelle au tawhid. Donc je suis ala al-haq. Ittaqillah. Mada taqul yawm al-qiyamah. Anta mas'oul amam an-nas. T'as pris le mas'ouliya, tu la prends avec tout ce qui va avec. Wa li hadha qala Hudhayfa ibn al-Yaman. Qal kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr. Les gens, Hudhayfa ibn al-Yaman, chouf as-sahaba. Le fiqh, la compréhension qu'ils avaient de la religion d'Allah. Regarde bien comment il a fait la chose. Les gens interrogeaient le prophète, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, au sujet du bien. Wa kuntu as'aluhu an ash-shar mukhafatan an yadrikani ou yudrikani. Hada huwa al-fiqh. Li'annahu mazakka nafsahu. Il a dit quoi ? Quant à moi, J'ai demandé au sujet du mal, de peur que le mal m'atteigne. Ils ont demandé à la tawhid, وَسُنَّةِ J'ai demandé à la shirk wal bid'ah. De peur de tomber dans quoi? Dans ce qui va annuler son tawhid. De peur de demander, de peur de tomber dans ce qui va annuler quoi? Son manhaj. Ce qui va annuler la ilaha illallah wa Muhammad al-Rasulullah. Et vous savez très bien qu'un musulman les considère comme musulmans quand ils témoignent de la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. C'est par ces deux paroles qu'il rentre dans l'islam. Et il doit comprendre tout ce qui en découle. Et il doit mourir sur la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah sans Muhammad al-Rasulullah, est-ce qu'il est entré dans l'islam? Là. Quelqu'un qui dit Muhammad al-Rasulullah sans la ilaha illallah, est-ce qu'il est rentré dans l'islam? Là. Jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah bifhami wal amal, en les ayant compris et en ayant appliqué la chose. Et ainsi, il se doit d'apprendre au fur et à mesure tout ce qui découle de ce sens-là. Huzaifa ibn Yaman, il a eu peur pour lui. Il a dit, moi, je ne suis pas à l'abri du mal. Alors, j'ai demandé au sujet du mal au messager d'Allah. Informe-moi au sujet du mal. Et le plus grand mal, c'est quoi? C'est shirk. Ça, c'est des gens qui avaient peur pour leur religion. C'est des gens qui ont tout mis en avant pour la religion d'Allah, pour Tawhid, parce qu'ils avaient peur pour eux. Et aujourd'hui, les gens n'ont même pas peur. Il y a ceux qui s'assoient chez des gens bornés, des gens qui ont contredit la parole d'Allah et de son messager, des gens qui parlent sur Allah sans aucune science, des gens qui parlent sur le prophète alayhi salat wa salam sans aucune science, qui mentent sur Allah et son prophète alayhi salat wa salam, qui détournent le but de la révélation. Or, la révélation est descendue pour Tawhid. Ils en détournent le but. Allah, il descend sa propre parole, tabaraka wa ta'ala, sur sa création. Il change le but, le tafsir, en donnant un tafsir erroné de ce verset ou de ce hadith, il change al-marsoud, il change le but. Comme ils le font avec la parole d'Allah, comme ils le font avec la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, comme ils le font avec kalam al-sahaba, comme ils le font jusqu'à aujourd'hui, kalam al-ulama, la parole des savants. Et ils se servent de la parole des savants pour tomber sur d'autres savants, etc. etc. Ahlul bid'a wa al-hawa. Nassallah al-afwa wa al-afiyah al-salam. Yal'aboun. Ça ne te fait rien que des gens jouent avec la religion d'Allah. On ne te demande pas de parler, de dire. Il y a des gens pour ça, alhamdoulilah, de prendre des choses et de les ramener chez les chouyours. Et c'est eux qui vont te répondre à toutes ces ambiguïtés. Mais de là, ce qui est rien dans le cœur, que ça ne bouge même pas, Allah, il pose-toi des questions, subhanallah. Mais quand on parle sur Zawja, quand on parle sur l'aoulad, sur le mal, là, le cœur, il bouge. Mais din, le cœur, il ne bouge pas. Quand le ulama se fait insulte à longueur de journée, ça ne te fait rien. Et quand Ahlul Bid'ah se font critiquer, là le cœur il bouge. En disant il faut patienter. Il y a des gens avec qui il faut patienter, il y a des gens avec qui il n'y a pas de patience. Comme il y a des gens avec qui il faut la dureté, comme il y a des gens avec qui il faut la douceur et la tranquillité. À chacun est rétribué selon ce qu'il est. Comme il a mentionné Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala wa Shafa'ullah, lorsque la personne est douce, yukhalifu sunnah, mais c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui n'a pas d'orgueil. C'est quelqu'un qui est sur ce qu'il est, mais il accepte les choses. Tu ne vas pas venir en étant dur avec lui. Tu viens bil-lin wa rifq, avec gentillesse, avec douceur. Tu lui expliques les choses tranquillement. Parce qu'il mérite ces choses-là. Mais quand quelqu'un il est orgueilleux, il rejette la vérité, il insulte Ahl Sunnah, il insulte ulama d'Ahl Sunnah, celui-ci, tu veux lui parler avec douceur? Là. Chacun une tariqa. Mais le but, c'est toujours qui quoi? De le faire pour Allah. Elle est là la différence. De le faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ad-din un-nasiha lillah. Pour Allah, tu le fais. La religion, c'est conseiller, donc tu conseilles les gens. Al-nasihatu lillah, al-tawhid. Al-nasihatu li kitabihi, c'est d'être conforme à son livre. Al-nasihatu li rasulihi, c'est d'être conforme à la sunna de son messager. Al-nasihatu li walati l'umour, c'est de les conseiller en secret. Al-nasihatu li ammati l'nas, lil'awam, les gens de la communauté, c'est de les conseiller à la base avec gentillesse et douceur. Mais l'orgueilleux qui rejette la parole d'Allah, qui veut qu'on le laisse parler, mentir sur Allah et son prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, là, al-sukut, qala ahadu min al-salaf, un parmi les salaf, il a dit, on a porté l'épée contre moi 5 fois. Et ces 5 fois-là, on ne m'a pas dit abandonne ton madhhab, yani ton manhaj. On ne m'a pas dit abandonne ton manhaj, mais on m'a dit tais-toi sur ceux qui contredisent ce manhaj. Tais-toi, ne parle pas sur ceux qui viennent contredire ce manhaj. Yani manhaj salaf. 5 fois, par des pays, ils ont voulu lui tomber dessus. Et à chaque fois, on lui a pas dit, écoute, maintenant ça suffit, autour le manhaj. Non, on lui a dit, fais ton manhaj, mais laisse les gens tranquilles. Arrête de parler sur foulain ou foulain ou foulain ou foulain ou foulain. Scout. Hadil jama'atul jadida. Fi hadha al-asr. Dans aucun verset. Voilà fil hadith. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a appelé à se taire. Bien au contraire. Ou à ordonner le bien, ou à interdire le blâmable. Et pourquoi cette communauté a été la meilleure des communautés? Antum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ils sont où les sifats qu'Allah leur a donné à ceux? Hein? Ukhrijat lin-nas. Limadha? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que vous ordonnez le bien, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir. As-sahaba radiyallahu ta'ala anhum qu'il a fait sortir dans cette umma min an-nas lin-nas qala ibn Kathir. Ils ont sorti parmi les gens, pour les gens. Pourquoi est-ce qu'ils sont les meilleurs de la communauté? Parce qu'ils ont ordonné le bien, parce qu'ils ont interdit le blâmable et ils ont cru en Allah. Jamais la religion d'Allah a appelé à se taire. Ou tu appelles au tawhid et à la sunna, ou au tahdhir min al-shirk wa al-bid'ah. Hada huwa. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par biesh. Biliyad, par la main. S'il ne peut pas par la main, qu'est-ce qu'il fait? Fabilisanihi. S'il ne peut pas par sa langue, fabiqalbihi. Yani, yadhab. Yatruk al-jama'a, yatruk al-makan. Yatruk al-nas. Il les laisse, ces gens-là qui font le munkar. Est-ce qu'on lui ordonne de se taire? La. La. Wahada ma'ruf inda salaf salih. Or, les gens ne reviennent pas à Salaf Saleh. Aujourd'hui, ils ne ramènent que l'athar à la zuhd. Regardez tel sahabi, combien de temps il a jeûné, tel sahabi, combien de temps il a prié, tel sahabi, combien d'askar il a fait. Barakallahu fik, ramène l'athar à l'aqida ou le manhaj. Pourquoi tu ne ramènes qu'une partie des choses sur sahaba? Pourquoi tu ne ramènes pas tout? Tu caches? Tu caches parce que tu as peur qu'on te dévoile. Parce que depuis le début, tu dis que tu fais partie des gens d'Ahl Sunnah. Et en vérité, ton manhaj, il est ailleurs. Allah al-musta'an. Lakin sunni salafi cache rien. Son manhaj, c'est le tawhid wa l'aqida. Wa manhaj salaf salih. Hada huwa. Walhamdulillah, al-sunnah se reconnaissent les uns les autres. Hada huwa. Wa rujou ila al-ulama. Wa rujou ila al-ilm. Pourquoi? Ce souci que le musulman ne délaisse pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hada huwa. Que chacun ait peur pour lui, pour sa propre personne. Barakallahu fik. Lorsque ton âme elle va partir, tu n'auras que 2 destinations. Ou l'enfer, ou le paradis. Le paradis est préparé pour qui? Les gens du tawhid et de la sunna. Les gens de l'enfer, c'est pour qui? L'enfer, c'est pour qui? Al-shirk, wal-kufr, wal-nifaq, wal-bid'ah, wal-ma'asi. C'est ton âme qui est en jeu. Donc quand les choses de la dunya sont en jeu, on est prêt à tout, mais quand les choses, ton âme, toi, ta propre âme, elle est en jeu, al-tawhid wa sunnah, la takhaf, t'as pas peur, subhanallah. Hada yadullu ala da'f al-aqida, wa da'f al-manhaj, wa da'f al-yaqin, wa da'f al-iman. Ça montre chez la personne, comme ils disent les savants, la faiblesse dans son cœur de l'aqida, de la croyance, la faiblesse de la voie qu'il a entrepris, des règles du manhaj, la faiblesse de sa foi, la faiblesse de la certitude sur Allah tabaraka wa ta'ala, wa da'f al-ilm, et la faiblesse de la science. Car tout ça, c'est basé sur quoi? Sur l'ilm, al-wahi, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, descendu des 7 cieux, ala Jibril alayhi salatu wa salam, thumma ala Rasulillah alayhi salatu wa salam, thumma ashabih رضي الله تعالى عنهم ومنهج ومنهج السلف. هذا هو. Mais de là reste à rien faire, ni apprendre sa religion. Tu veux te reposer, tu auras le temps de te reposer. Il y a une demeure pour le repos. Or la dunya, comme dit Cheikh Salah Al-Fawzan, الدنيا دار الابتلاء والامتحان. La dunya, sachez que c'est une demeure d'épreuve. C'est une demeure où tu auras des soucis, tu seras éprouvé. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف. Il y a des gens, Allah Azza wa Jalla l'a dit, il y a des gens qui adorent Allah sur quoi? À la harf, c'est-à-dire sur rien. À la moindre épreuve, il va tomber. Il va lâcher son dîn. Il ne tiendra pas. Allah al-Musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Il ne tiendra pas, tu ne tiendras pas. Combien de temps tu vas tenir? Al-yum t'es à la sunna, tu ne peux même pas promettre que demain t'es à la sunna. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi alamati sa'a? L'homme se lèvera le matin musulman, arrivé le soir il sera kafir. Le soir il sera musulman, le lendemain il se réveille kafir. Limadha? Yatruk tawhid. Parce qu'il a abandonné son tawhid. Il a abandonné la ilaha illallah. Et pour de ça, t'as pas de jalousie? Aucune jalousie envers la religion d'Allah? La jalousie pour ton épouse, mais tu n'as pas la jalousie envers la religion d'Allah. Déjà le sahabi, le Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit le sahabi? Ya Rasulullah, quand quelqu'un regarde ma femme, j'ai envie de lui crever les yeux. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, je suis encore plus jaloux que lui, et Allah tabaraka wa ta'ala est encore plus jaloux qu'on lui associe quoi que ce soit. Al-shirk, inna shirka la dhulmun azim. والطريقة إلى الشرك الوسيلة إلى الشرك البدعة كالسنة هي الوسيلة إلى التوحيد. Ce shirk Allah déteste, ce shirk sur lequel tu meurs Allah Azza wa Jalla te pardonnera jamais. Sache que l'un des chemins qui y mène c'est le bidah, c'est une wasila, c'est l'un des chemins qui y mène. Comme la sunna est un chemin qui mène vers la ilaha illallah, vers le tawhid. Barakallahu fikum. Que cette chose-là, la ilaha illallah, soit la chose la plus chère. Fi qulubina ou fi hayatina, dans nos cœurs et dans nos vies. Parce qu'on n'a pas été créé pour autre chose. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahhiduni. Et toute personne qui vient freiner cette chose-là, tawhid, toute personne qui parle sur Allah sans science, qui détourne les gens du tawhid, min al-mubtadi'a, comment tu peux laisser parler une personne comme ça? Comment tu peux avoir de l'affection pour une personne comme ça? Al-fasiq. Al-muslim al-fasiq. Tuhibbuhu li-imanihi. Wa tub'iduhu li-fusuqihi. Amma al-mubtadih, tub'iduhu mutlaqan. Mutlaqan. Lianna al-fasiq indahu ihtiram li-dinillah. Indahu ihtiram lil-ulama wa ahli al-ilm. Indahu ihtiram li-kalamillah. Li-sunnati rasulillah. أما المبتدع ما عنده احترام ولا إلى الله ولا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ولا إلى العلماء ولا إلى كتاب الله إلا لبدعته. Quelqu'un qui commet des péchés dans notre communauté, tu le vois même autour de nous. Quelquefois tu vois des jeunes, bon, ils fument, ils boivent. Quand ils te voient arriver bis sunna, ils cachent tout. Même d'entre eux, salam alaikum. Il y a l'ihtiram, il y a ce respect. Ils respectent un minimum la religion d'Allah. Il respecte un minimum la religion d'Allah. Il respecte l'islam. Il respecte les gens de science. Comme l'ulama. De temps en temps, il reste un peu avec toi. Il parle avec toi. Il y a cet ihtiram. Le fasiq, pourtant c'est un fasiq. Il boit, il fume, tout ce que tu veux. L'innovateur, il n'a aucun ihtiram. Rien. Délibérément, il parle sur Allah sans science, sur le prophète, sur les versets du Coran. Et encore pire, il va chercher dans la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah ce qui va avec sa conviction. Istidlaluhu. Ba'atil. Il n'y a pas de jalousie là-dessus. Il n'y a pas de jalousie sur la religion d'Allah. Il n'y a pas de jalousie envers Allah, tabaraka wa ta'ala, envers le Nabi, alayhi salatu wassalam. Tu laisses des gens parler comme ça sans qu'il n'y ait rien fait le qalb. Alors interroge-toi et continue à rester comme tu es, tu verras où tu finiras. Allah al-musta'an. Hadi al-nasiha awwalan li nafsi wa li anfusikum. Hadi huwa kama qala an-nabi alayhi salatu wassalam ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha. La religion c'est le conseil. C'est pour ça que les ulama ils dorment pas. Ils écrivent des livres. Pourquoi ils écrivent des livres? Pour qu'ils arrivent dans tes mains, pour que tu puisses les lire, tu puisses comprendre ta religion, que tu puisses te rapprocher du tawhid, t'éloigner du shirk, te rapprocher de la sunna, t'éloigner de la bid'a, pour que tu puisses corriger, arrêter de faire tes péchés, journalier et quotidien, et que tu commences à faire taouba et te rapprocher jusqu'à ce que tu te débarrasses de ces péchés. Et ça, ça ne vient que par tawhid. Plus tu connais Allah, plus tu as peur d'Allah. Et plus tu espères en Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Barakallahu li wa lakum.